Section 23 de Itinéraire de Paris à Jérusalem. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire, quatrième partie, suite. J'incline donc à croire que toute architecture est sortie de l'Égypte, même l'architecture gothique, car rien n'est venu du Nord, hors le fer et la dévastation. Mais cette architecture égyptienne s'est modifiée selon le génie des peuples. Elle ne changea guère chez les premiers Hébreux, où elle se débarrassa seulement des monstres et des dieux de l'idolâtrie. En Grèce, où elle fut introduite par Cécrops et Inachus, elle s'épura et devint le modèle de tous les genres de beauté. Elle parvint à Rome par les Toscans, colonie égyptienne. Elle y conserva sa grandeur, mais elle n'atteignit jamais sa perfection comme à Athènes. Des apôtres accourus de l'Orient la portèrent aux barbares du Nord. Sans perdre parmi ses peuples son caractère religieux et sombre, elle s'éleva avec les forêts des Gaules et de la Germanie. Elle présenta la singulière union de la force, de la majesté, de la tristesse dans l'ensemble et de la légèreté la plus extraordinaire dans les détails. Enfin, elle prit chez les Arabes les traits dont nous avons parlé, architecture du désert, enchantée comme les oasis, magique comme les histoires contées sous la tente, mais que les vents peuvent emporter avec le sable qui lui servit de premier fondement. Je pourrais appuyer mon opinion d'un million de faits historiques. Je pourrais montrer que les premiers temples de la Grèce, tels que celui de Jupiter à Onga, près d'Amyclée, étaient de véritables temples égyptiens, que la sculpture elle-même était égyptienne à Argos, à Sparte, à Athènes, du temps de Dédale et dans les siècles héroïques. Mais j'ai peur d'avoir poussé trop loin cette digression, il est plus que temps de passer aux monuments gothiques de Jérusalem. Ceux-ci se réduisent à quelques tombeaux. Les monuments de Godefroy et de Baudouin sont deux cercueils de pierre, portés sur quatre petits piliers. Les épitaphes qu'on a lues dans la description de Dehaie sont écrites sur ces cercueils en lettres gothiques. Tout cela en soi-même est fort peu de chose. Cependant, je fus très frappé par l'aspect de ces tombeaux en entrant au Saint-Sépulcre. Leurs formes étrangères, sur un sol étranger, m'annoncèrent d'autres hommes, d'autres mœurs, d'autres pays. Je me crus transporté dans un de nos vieux monastères. J'étais comme l'hôte haïtien quand il reconnut en France un arbre de sa patrie. Je contemplais avec vénération ces mausolées gothiques qui renfermaient des chevaliers français, des pèlerins devenus rois, des héros de la Jérusalem délivrée. Je me rappelais les paroles que le Tasse met dans la bouche de Godefroy. « Qui assia dinoi, queser sepultos cuvi ?» Ovei membri didio furgia sepulti. Quant aux monuments turcs, derniers témoins qui attestent à Jérusalem les révolutions des empires, ils ne valent pas la peine qu'on s'y arrête. J'en ai parlé seulement pour avertir qu'il ne faut pas du tout confondre les ouvrages des Tartares avec les travaux des Maures. Au fond, il est plus vrai de dire que les Turcs ignorent absolument l'architecture. Ils n'ont fait qu'enlaidir les édifices grecs et les édifices arabes en les couronnant de dômes massifs et de pavillons chinois. Quelques bazars et des oratoires de Santon sont tout ce que les nouveaux tyrans de Jérusalem ont ajouté à cette ville infortunée. Le lecteur connaît maintenant les divers monuments de la cité sainte. En revenant de visiter les sépulcres des rois qui ont donné lieu aux descriptions précédentes, je passais par la vallée de Josaphat. Le soleil se couchait derrière Jérusalem. Il dorait de ses derniers rayons cet amas de ruines et les montagnes de la Judée. Je renvoyai mes compagnons par la porte Saint-Étienne et je ne gardais avec moi que le janissaire. Je m'assis au pied du tombeau de Josaphat, le visage tourné vers le temple. Je tirai de ma poche un volume de Racine et je relus Athalie. À ses premiers vers, « Oui, je viens dans son temple, adorer l'Éternel, etc. » Il m'est impossible de dire ce que j'éprouvais. Je crus entendre les cantiques de Salomon et la voix des prophètes. L'antique Jérusalem se leva devant moi. Les ombres de Joad, d'Athalie, de Josabet sortirent du tombeau. Il me sembla que je ne connaissais que depuis ce moment le génie de Racine. Quelle poésie! puisque je la trouvais digne du lieu où j'étais. On ne saurait s'imaginer ce qu'est Athalie lue sur le tombeau du saint roi Josaphat au bord du torrent de Cédron et devant les ruines du temple. Mais qu'est-il devenu ce temple, orné partout de festons magnifiques? Comment, en un plomb vil, l'or pur s'est-il changé? Quel est dans ce lieu saint ce pontife égorgé? Pleure, Jérusalem, pleure, cité perfide, des prophètes divins, malheureuses, homicides, de son amour pour toi, ton Dieu s'est dépouillé, ton encens à ses yeux est un encens souillé. Où menez-vous ses enfants et ses femmes? Le Seigneur a détruit la reine des cités, ses prêtres sont captifs, ses rois sont rejetés. Dieu ne veut plus qu'on vienne à ses solennités. Temple, renverse-toi, cèdre, jetez des flammes, Jérusalem, objet de ma douleur, quelle main en un jour t'a ravi tous tes charmes? Qui changera mes yeux en deux sources de larmes pour pleurer ton malheur? Azarias, ô Saint-Temple, Josabeth, ô David, le cœur, Dieu de Sion, rappelle, rappelle en sa faveur tes antiques bontés. La plume tombe des mains, on est honteux de barbouiller encore du papier après qu'un homme a écrit de pareils vers. Je passais une partie de la journée du 9 au couvent pour m'occuper des détails de la vie privée à Jérusalem. Je n'avais plus rien d'essentiel à voir, soit au-dedans, soit au-dehors de la ville, si ce n'est le puits de Néhémie où l'on cacha le feu sacré au temps de la captivité, les sépulcres des juges et quelques autres lieux. Je les visitais le soir du 9. Comme ils n'ont rien de remarquable, excepté les noms qu'ils portent, ce n'est pas la peine d'en entretenir le lecteur. Je viens donc à ces petits détails qui piquent la curiosité en raison de la grandeur des lieux dont on parle. On ne se peut figurer qu'on vive à Athènes ou à Sparte comme chez soi. Jérusalem, surtout, dont le nom réveille le souvenir de tant de mystères, effraie l'imagination. Il semble que tout doive être extraordinaire dans cette ville extraordinaire. Voyons ce qu'il en est, et commençons par la description du couvent des Pères Latins. On y pénètre par une rue voûtée, qui se lie à une autre voûte, assez longue et très obscure. Au bout de cette voûte, on rencontre une cour formée par le bûcher, le cellier et le pressoir du couvent. On aperçoit à droite dans cette cour un escalier de 12 à 15 marches. Cet escalier monte à un cloître qui règne au-dessus du cellier, du bûcher et du pressoir et qui par conséquent a vue sur la cour d'entrée. À l'orient de ce cloître s'ouvre un vestibule qui communique à l'église. Elle est assez jolie. Elle a un chœur garni de stalles, une nef éclairée par un dôme, un autel à la romaine et un petit jeu d'orgue. Tout cela est renfermé dans un espace de 20 pieds de longueur sur 12 de largeur. Une autre porte, placée à l'occident du cloître dont j'ai parlé, conduit dans l'intérieur du couvent. Ce couvent, dit un pèlerin dans sa description, aussi exacte que naïve, ce couvent est fort irrégulier, bâti à l'antique, et de plusieurs pièces rapportées hautes et basses, les officines petites et dérobées, les chambres pauvres et obscures, plusieurs petites courcelles, deux petits jardins, dont le plus grand peut avoir 15 ou 16 perches, et tenant au rempart de la ville. Vers la partie occidentale est une autre cour, et quelques petits logements pour les pèlerins. Toute la récréation qu'on peut avoir dans ce lieu, c'est que, montant sur la terrasse de l'église, on découvre toute la ville, qui va toujours en descendant jusqu'à la vallée de Josaphat. On voit l'église du Saint-Sépulcre, le parvis du temple de Salomon, et plus loin, du même côté d'Orient, la montagne des Olives. Au midi, le château de la ville et le chemin de Bethléem, et au nord, la grotte de Jérémie. Voilà en peu de paroles le plan et le tableau de ce couvent qui ressent extrêmement la simplicité et la pauvreté de celui qui, en ce même lieu, propter nos et genus factus est cum esset dives. 2 Corinthiens 8. La chambre que j'occupais s'appelle la grande chambre des pèlerins. Elle donnait sur une cour solitaire, environnée de murs de toutes parts. Les meubles consistaient en un lit d'hôpital avec des rideaux de serge verte, une table et un coffre. Mes domestiques occupaient deux cellules assez loin de moi, une cruche pleine d'eau et une lampe à l'italienne complétaient mon ménage. La chambre, assez grande, était obscure et ne tirait de jour que par une fenêtre qui s'ouvrait sur la cour dont j'ai parlé. 13 pèlerins avaient écrit leur nom sur la porte, en dedans de la chambre. Le premier s'appelait Charles Lombert, et il se trouvait à Jérusalem en 1669. Le dernier est John Gordon, et la date de son passage est de 1804. Je n'ai reconnu que 3 noms français parmi ces 13 voyageurs. Les pèlerins ne mangent point avec les pères comme à Jaffa. On les sert à part, et ils font la dépense qu'ils veulent. S'ils sont pauvres, on les nourrit. S'ils sont riches, ils paient ce qu'on achète pour eux. Le couvent n'en retire pas une obole. Le logement, le lit, le linge, la lumière, le feu sont toujours pour rien et à titre d'hospitalité. On avait mis un cuisinier à mes ordres. Je ne dînais presque jamais qu'à la nuit et au retour de mes courses. On me servait d'abord un potage à l'huile et aux lentilles, ensuite du veau aux concombres ou aux oignons, du chevreau grillé ou du mouton au riz. On ne mange point de bœuf, et la viande de buffle a un goût sauvage. Pour rôti, j'avais des pigeons et quelquefois des perdrix de l'espèce blanche, appelées perdrix du désert. Le gibier est fort commun dans la plaine de Rama et dans les montagnes de la Judée. Il consiste en perdrix, bécasses, lièvres, sangliers et gazelles. La caille d'Arabie qui nourrit les Israélites est presque inconnue à Jérusalem. Cependant, on en trouve quelques-unes dans la vallée du Jourdain. Pour les légumes, on m'a continuellement fourni des lentilles, des fèves, des concombres et des oignons. Le vin de Jérusalem est excellent. Il a la couleur et le goût de nos vins de Roussillon. Les coteaux qui le fournissent sont encore ceux d'Angadi, près de Bethléem. Quant aux fruits, je mangeais, comme à Jaffa, de gros raisins, des dattes, des grenades, des pastèques, des pommes et des figues de la seconde saison, celle du sycomore ou figuier de Pharaon était passée. Le pain, fait au couvent, était bon et savoureux. Venons au prix de ces divers comestibles. Le quintal de Jérusalem est composé de 100 rolts. Le rolt de 900 drachmes. Le rolt veut 2 ocs et 1/4, ce qui revient à peu près à 8 livres de France. Le mouton se vend 2 piastres, 10 paras le rolt. La piastre turque, continuellement altérée par les beys et les pachas d'Égypte, ne s'élève pas en Syrie à plus de 33 sous 4 deniers et le para à plus de 10 deniers. Or, le rolt étant à peu près de 8 livres, la livre de viande de mouton à Jérusalem revient à 9 sous 4 deniers et demi. Le veau ne coûte qu'une piastre le rolt, le chevreau une piastre et quelques paras. Un très grand veau se vend 30 ou 35 piastres. Un grand mouton 10 ou 15 piastres, une chèvre 6 ou 8. Le prix de la mesure de blé varie de 8 à 9 piastres. L'huile revient à 3 piastres le rolt. Les légumes sont fort chers. On les apporte à Jérusalem, de Jaffa et des villages voisins. Cette année 1806, le raisin de vendange s'éleva jusqu'à 27 piastres le quintal. Passons à quelques autres détails. Un homme qui ne voudrait point descendre au camp, ni demeurer chez les pères de Terre Sainte, pourrait louer une ou plusieurs chambres dans une maison à Jérusalem, mais il n'y serait pas en sûreté de la vie. Selon la petitesse ou la grandeur, la pauvreté ou la richesse de la maison, chaque chambre coûterait par mois depuis 2 jusqu'à 20 piastres. Une maison entière, où l'on trouverait une assez grande salle et une quinzaine de trous qu'on appelle des chambres, se paierait par an 5000 piastres. Un maître ouvrier, maçon, menuisier et charpentier reçoit 2 piastres par jour. Il faut le nourrir. La journée d'un garçon ouvrier coûte 1 piastre. Il n'y a point de mesure fixe pour la terre. Le plus souvent, on achète à vue le morceau que l'on désire. On estime le fonds sur ce que ce morceau peut produire en fruits, blé ou vigne. La charrue n'a point de roue. Elle est armée d'un petit fer qui effleure à peine la terre. On laboure avec des bœufs. On récolte de l'orge, du froment, du doura, du maïs et du coton. On sème le sésame dans le même champ où l'on cultive le coton. Un mulet coûte 100 ou 200 piastres, selon sa beauté. Un âne vaut depuis 15 jusqu'à 50 piastres. On donne 80 ou 100 piastres pour un cheval commun, moins estimé en général que l'âne ou le mulet, mais un cheval d'une race arabe bien connue est sans prix. Le pacha de Damas, Abdallah Pacha, venait d'en acheter un 3 000 piastres. L'histoire d'une jument fait souvent l'entretien du pays. On racontait, lorsque j'étais à Jérusalem, les prouesses d'une de ces cavales merveilleuses. Le bédouin qui la montait, poursuivi par les sbires du gouverneur, s'était précipité avec elle du sommet des montagnes qui dominent Jéricho. La jument était descendue au grand galop, presque perpendiculairement, sans broncher, laissant les soldats dans l'admiration et l'épouvante de cette fuite. Mais la pauvre gazelle creva en entrant à Jéricho, et le bédouin, qui ne voulut point l'abandonner, fut pris pleurant sur le corps de sa compagne. Cette jument a un frère dans le désert. Il est si fameux que les Arabes savent toujours où il a passé, où il est, ce qu'il fait, comment il se porte. Ali Aga m'a religieusement montré dans les montagnes près de Jéricho la marque des pas de la jument morte en voulant sauver son maître. Un Macédonien n'aurait pas regardé avec plus de respect la trace des pas de Bucéphale. Parlons à présent des pèlerins. Les relations modernes ont un peu exagéré les richesses que les pèlerins doivent répandre à leur passage dans la Terre Sainte. Et d'abord, de quels pèlerins s'agit-il ? Ce n'est pas des pèlerins latins, car il n'y en a plus, et l'on en convient généralement. Dans l'espace du dernier siècle, les pères de Saint-Sauveur n'ont peut-être pas vu 200 voyageurs catholiques, y compris les religieux de leurs ordres et les missionnaires au Levant. Que les pèlerins latins n'ont jamais été nombreux, on le peut prouver par 1000 exemples. Thévenot raconte qu'en 1656, il se trouva, lui, 22e au Saint-Sépulcre. Très souvent, les pèlerins ne montaient pas au nombre de 12, puisqu'on était obligé de prendre des religieux pour compléter ce nombre dans la cérémonie du lavement des pieds le mercredi saint. En effet, en 1589, 79 ans avant Thévenot, Villamont ne rencontra que 6 pèlerins francs à Jérusalem. Si en 1589, au moment où la religion était si florissante, on ne vit que 7 pèlerins latins en Palestine, qu'on juge combien il y en devait avoir en 1806. Mon arrivée au couvent de Saint-Sauveur fut un véritable événement. M. Setzen, qui s'y trouvait à Pâques de la même année, c'est-à-dire 7 mois avant moi, dit qu'il était le seul catholique. Les richesses dont le Saint-Sépulcre doit regorger, n'étant point apportées à Jérusalem par les pèlerins catholiques, le sont donc par des pèlerins juifs, grecs et arméniens. Dans ce cas-là même, je crois les calculs très enflé. La plus grande dépense des pèlerins consiste dans les droits qu'ils sont obligés de payer aux Turcs et aux Arabes, soit pour l'entrée des saints lieux, soit pour les kafaris ou permissions de passage. Or, tous ces objets réunis ne montent qu'à 65 piastres, 29 par an. Si vous portez la piastre à son maximum, à 50 sous de France, et le para à 5 liards ou 15 deniers, cela vous donnera 164 livres 6 sous 3 deniers. Si vous calculez la piastre à son minimum, c'est-à-dire à 33 sous de France et 4 deniers, et le para à 3 liards et 1 denier, vous aurez 108 livres 9 sous 6 deniers. Voilà le compte, tel que je le tiens du père procureur du couvent de Saint-Sauveur. Je le laisse en italien, que tout le monde entend aujourd'hui avec les noms propres des Turcs, etc., caractères originaux qui attestent leur authenticité. Spessa solita, cefa un pellerino en la sua intrata da Giaffa sin a Gerusalemme, anel ritorno a Giaffa. Caffari, in Giaffa dopo il suo sbarco caffaro, 5 piastres, 20 par an. In Giaffa prima del imbarco al suo ritorno, 5 piastres, 20 par an. Etc. Si le pèlerin allait au Jourdain, il faudrait ajouter à ses frais la somme de 12 piastres. Enfin, j'ai pensé que dans une discussion de faits, il y a des lecteurs qui verraient avec plaisir les détails de ma propre dépense à Jérusalem. Si l'on considère que j'avais des chevaux, des escortes à mes ordres, que je vivais comme à Paris quant à la nourriture, au temps des repas, etc., que j'entrais sans cesse au Saint-Sépulcre à des heures inusitées, que je revoyais 10 fois les mêmes lieux, payais 10 fois les droits, les cafaris et 1000 autres exactions des Turcs, on s'étonnera que j'en ai été quitte à si bon marché. Je donne les comptes originaux avec les fautes d'orthographe du drogman Michel. Ils ont cela de curieux qu'ils conservent, pour ainsi dire, l'air du pays. On y voit tous mes mouvements répétés, les noms propres de plusieurs personnages, le prix de divers objets, etc. Enfin, ces contes sont des témoins fidèles de la sincérité de mon récit. On verra même que j'ai négligé beaucoup de choses dans ma relation et que j'ai visité Jérusalem avec plus de soin encore que je ne l'ai dit. Dépense à Jaffa. Per un messo à Jérusalemme, 7 piastres, 20 par an. Altro messo à Rama, 3 piastres. Altro per avvisare a Glia Gravi, 1 piastre, 26 par an, etc. Dépense à Jérusalem, etc. Il faut donc d'abord réduire ce grand nombre de pèlerins, du moins quant aux catholiques, à très peu de choses ou à rien du tout, car 7, 12, 20, 30, même 100 pèlerins ne valent pas la peine d'être comptés. Mais si cette douzaine de pèlerins, qui paraissent chaque année au Saint-Sépulcre, il y a un ou deux siècles, étaient de pauvres voyageurs, les pères de Terre Sainte ne pouvaient guère s'enrichir de leurs dépouilles. Écoutons le sincère Dubdan. Les religieux qui y demeurent, au couvent de Saint-Sauveur, militant sous la règle de Saint-François, y gardent une pauvreté très étroite et ne vivent que des aumônes et charités qu'on leur envoie de la chrétienté et que les pèlerins leur donnent, chacun selon ses facultés. Mais comme ils sont éloignés de leur pays et savent les grandes dépenses qu'il leur reste à faire pour le retour, aussi n'y laissent-ils pas de grandes aumônes, ce qui n'empêche pas qu'ils n'y soient reçus et traités avec grande charité. Ainsi, les pèlerins de Terre Sainte, qui doivent laisser des trésors à Jérusalem, ne sont point des pèlerins catholiques. Ainsi, la partie de ces trésors qui devient l'héritage des couvents ne tombe point entre les mains des religieux latins. Si ces religieux reçoivent des aumônes de l'Europe, ces aumônes, loin de les enrichir, ne suffisent pas à la conservation des lieux saints, qui croulent de toutes parts et qui seront bientôt abandonnés, faute de secours. La pauvreté de ces religieux est donc prouvée par le témoignage unanime des voyageurs. J'ai déjà parlé de leurs souffrances, s'il en faut d'autres preuves, les voici. Tout ainsi, dit le père Roger, que ce fut un religieux français qui eut possession des saints lieux de Jérusalem. Aussi le premier religieux qui a souffert le martyr fut un Français, nommé frère Limain, de la province de Touraine, lequel fut décapité au Grand Caire. Peu de temps après, frère Jacques et frère Jérémie furent mis à mort hors des portes de Jérusalem. Frère Conrad d'Alice Barthélémy, du Mont Politian, de la province de Toscane, fut fendu en deux, depuis la tête jusqu'en bas, dans le Grand Caire. Frère Jean d'Éther, espagnol de la province de Castille, fut taillé en pièces par le bacha de Casa. 7 religieux furent décapités par le sultan d'Égypte. 2 religieux furent écorchés tout vifs en Syrie. L'an 1637, les Arabes martyrisèrent toute la communauté des frères qui étaient au sacré mont de Sion, au nombre de 12. Quelque temps après, 16 religieux, tant clercs que laïcs, furent menés de Jérusalem en prison à Damas. Ce fut lorsque Chypre fut prise par le roi d'Alexandrie. Et ils demeurèrent 5 ans, tant que l'un après l'autre y moururent de nécessité. Frère Cosme, de Saint-François, fut tué par les Turcs à la porte du Saint-Sépulcre, où il prêchait la foi chrétienne. 2 autres frères, à Damas, reçurent tant de coups de bâton qu'ils moururent sur la place. 6 religieux furent mis à mort par les Arabes, une nuit qu'ils étaient à Matine, au couvent bâti à Anatote, en la maison du prophète Jérémie, qu'ils brûlèrent ensuite. Ce serait abuser de la patience du lecteur de déduire en particulier les souffrances et les persécutions que nos pauvres religieux ont souffert depuis qu'ils ont eu en garde les saints lieux. Ce qui continue avec augmentation depuis l'an 1627, que nos religieux y ont été établis, comme on pourra connaître par les choses qui suivent. Etc. L'ambassadeur Dehay tient le même langage sur les persécutions que les Turcs font éprouver aux pères de Terre Sainte. Les pauvres religieux qui les servent sont aussi réduits aucune fois à de si grandes extrémités, faute d'être assistés de la chrétienté, que leur condition est déplorable. Ils n'ont pour tout revenu que les aumônes qu'on leur envoie, qui ne suffisent pas pour faire la moitié de la dépense à laquelle ils sont obligés. Car, outre leur nourriture et le grand nombre de luminaires qu'ils entretiennent, il faut qu'ils donnent continuellement aux Turcs s'ils veulent vivre en paix, et quand ils n'ont pas le moyen de satisfaire à leur avarice, il faut qu'ils entrent en prison. Jérusalem est tellement éloignée de Constantinople que l'ambassadeur du roi qui y réside ne saurait avoir nouvelle des oppressions qu'on leur fait que longtemps après. Cependant, ils souffrent et endurent, s'ils n'ont de l'argent pour se rédimer. Et bien souvent, les Turcs ne se contentent pas de les travailler en leur personne, mais encore, ils convertissent leurs églises en mosquées. Je pourrais composer des volumes entiers de témoignages semblables, consignés dans les voyages en Palestine. Je n'en produirai plus qu'un, il sera sans réplique. Je le trouve, ce témoignage, dans un monument d'iniquité et d'oppression, peut-être unique sur la terre, monument d'une autorité d'autant plus grande qu'il était fait pour demeurer dans un éternel oubli. Les pères m'avaient permis d'examiner la bibliothèque et les archives de leur couvent. Malheureusement, ces archives et cette bibliothèque furent dispersées il y a près d'un siècle. Un pacha fit mettre au fer les religieux et les emmena captifs à Damas. Quelques papiers échappèrent à la dévastation, en particulier les firmans que les pères ont obtenus, soit de la porte, soit des souverains de l'Égypte, pour se défendre contre l'oppression des peuples et des gouverneurs. Ce carton curieux est intitulé « Registro degli Capitulo Zioni Catiserefi Barati Commandamenti Oggetti Attestazioni Sentenze Ordini dei Baccia Giudici et Polizze Che si Rovano nell'Archivio di Questua Procura Generale di Terra Santa » Sous la lettre H, numéro 1, page 369, on lit « Instrumento del re Saraceno Muzaffar contiene, che non sia dimantado del vino dai religiosi franci, dato ali 13 delia luna di Regeb dell'anno 414. » Sous le numéro 2, « Instrumento del re Saraceno matamat contiene, che li religiosi franci non siano molestati. » Dato Ali de Di Tsiaval dell'anno 501. Sous le numéro 5, page 370, Instrumento con la sua copia del re Saraceno Ahmed Clacmac contiene. Celi religiosi franci no pagino a quei ministri, ceno vangono per gli affari dei frati, possino sepilire i loro morti, possino fare vino provisione. Non siano obbligati a montare cavalli per forza in rama. Non diano visitare loco possessioni. Che nessuno pretenda d'esser droglo romano, se non alcuno appoggio. Dato Ali 10, 10 FR, 609. Plusieurs firmants commencent ainsi. Copia autenticata d'un commendamento ottenuto ad instanza del ambasciatore di Francia, etc. On voit donc les malheureux pères, gardiens du tombeau de Jésus-Christ, uniquement occupés pendant plusieurs siècles à se défendre, jour par jour, de tous les genres d'insultes et de tyrannies. Il faut qu'ils obtiennent la permission de se nourrir, d'ensevelir leurs morts, etc. Tantôt, on les force de monter à cheval, sans nécessité, afin de leur faire payer des droits. Tantôt, un Turc se déclare leur drogman malgré eux, et exige un salaire de la communauté. On épuise, contre ces infortunés moines, les inventions les plus bizarres du despotisme oriental. En vain, ils obtiennent à prix d'argent des ordres qui semblent les mettre à couvert de tant d'avanies. Ces ordres ne sont point exécutés. Chaque année voit une oppression nouvelle et exige un nouveau firmant. Le commandant prévaricateur, le prince protecteur en apparence, sont deux tyrans qui s'entendent, l'un pour commettre une injustice avant que la loi soit faite, l'autre pour vendre à prix d'or une loi qui n'est donnée que quand le crime est commis. Le registre des firmants des pères est un livre bien précieux, bien digne à tous égards de la bibliothèque de ces apôtres, qui, au milieu des tribulations, gardent, avec une constance invincible, le tombeau de Jésus-Christ. Les pères ne connaissaient pas la valeur de ce catalogue évangélique. Ils ne croyaient pas qu'il pût m'intéresser. Ils n'y voyaient rien de curieux, souffrir le récit naturel, qu'ils s'étonnaient de mon étonnement. J'avoue que mon admiration pour tant de malheurs si courageusement supportés était grande et sincère. Mais combien aussi j'étais touchée en retrouvant sans cesse cette formule, copie d'un firmant obtenu à la sollicitation de monsieur l'ambassadeur de France, etc. honneur à un pays qui, du sein de l'Europe, veille jusqu'au fond de l'Asie à la défense du misérable et protège le faible contre le fort. Jamais ma patrie ne m'a semblé plus belle et plus glorieuse que lorsque j'ai retrouvé les actes de sa bienfaisance cachés à Jérusalem, dans le registre où sont inscrites les souffrances ignorées et les iniquités inconnues de l'opprimé et de l'oppresseur. J'espère que mes sentiments particuliers ne m'aveugleront jamais au point de méconnaître la vérité. Il y a quelque chose qui marche avant toutes les opinions, c'est la justice. Si un philosophe faisait aujourd'hui un bon ouvrage, s'il faisait quelque chose de mieux, une bonne action, s'il montrait des sentiments nobles et élevés, moi, chrétien, je lui applaudirais avec franchise. Et pourquoi un philosophe n'en agirait-il pas ainsi avec un chrétien ? Faut-il, parce qu'un homme porte un froc, une longue barbe, une ceinture de corde, ne lui tenir compte d'aucun sacrifice ? Quant à moi, j'irai chercher une vertu aux entrailles de la terre, chez un adorateur de Vishnu ou du grand lama, afin d'avoir le bonheur de l'admirer. Les actions généreuses sont trop rares aujourd'hui pour ne pas les honorer, sous quelque habit qu'on les découvre, et pour regarder de si près à la robe du prêtre ou au manteau du philosophe. Fin de la section 23.